بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاك الكتاب، كتاب مغلق. ما معنى الثلث عندك؟ دقيقة. الجم دقائق. عجبا يعجب. ممتاز. ممتاز. جاهز يجهز. نصح ينصح. ربع. رجاء يرجو. طيب، نساوي بالباقية التمرين الرابع. الساعة الأولى الآن، كم الساعة الآن هذه؟ الساعة الآن 12:30. نعم، التي تحت. الساعة الآن 8:25. الثامنة. نعم، الثامنة. الثامنة. نعم. الثامنة وخمسة وعشرون. وخمسون وعشرون دقيقة. سبعة وخمسة وعشرون وسبعة خمسة دقيقة. مؤنث يخالف، كل ما بين الثلاثة عشرة يخالف. تحت. الساعة الآن 12:28. والثامنة وعشرون. كم؟ عيد. الساعة الآن 12:28. لا، الثامنة الآن. لا، الشيف نورمال. سي كوا الثمانية؟ كيف تدير مذكر؟ ثمانين. ثمانين عندك تنوين. وعشرون. ثمانية وعشرون. نعم. ثم الساعة الآن ربع إلى 10 دقائق. نعم. تحت. الساعة الآن 8:25. إلا 25 دقائق. دقيقة. دقيقة. Je répondrai pas. À la petite tarte. تفضل. الساعة الآن 10 ونص. كم؟ 10 ونص. لا، سي با 10. نعم، دي دارني. لكن أنت ما تعلمت هكذا، أنت باقي دي 10:30. طيب، 10:30. لا، ما هو الخطأ؟ حصل يا رب. عندك الساعة الآن العاشرة والنصف. جزاك الله خير. العاشرة. طيب، تمارين خامس. إما الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة لما يلي. طيب، الجمل الأولى. الفندق فندق الصداقة الخدمة فيه ممتازة. نعم. ممتازة. طيب، ثانيا. ولذلك أعجب قليلا. نعم. ثالثا. جهز الموظف الحساب في الساعة السابعة صباحا. نعم. رابعا. استلم خالد فاتورة في الساعة التاسعة والثلاثين. نعم. خامسا. قال الموظف لخالد نرجو أن نراك مرة أخرى. نعم. غادر خالد فندق في الساعة العاشرة تماما. طيب. طيب، أسئلة. ماذا يريد خالد؟ يريد فندقا مناسبا. في أي فندق نزل خالد؟ اجلس. في فندق من الدرجات الثانية. ما اسمه الفندق؟ كيف في النص مكتوب زي كده في الهوتيل اللي تي بالتك سي كده في الهوتيل اللي تي سي كولوم دوتيل بالتك سي اللي رحمن نزل في صندوق الصداقة. نعم. Ah oui, mais ça d'accord. واسعة وأجرته مناسبة. نعم. رابعا. في أي طابق سكن خالد؟ سكن في الطابق الحادي عشر. نعم. خامسا. كم أجرة غرفتي في اليوم؟ أجرته أجرته في اليوم 100 ريال. أجرتها. أو نعم. يعني أجرة الغرفة. نعم. أجرتها. نعم. ثالثا. ماذا فعل خالد قبل أن يغادر الفندق؟ قبل المغادرة دفع الحساب. نعم. طيب. ثم الثاني كون حوار. لا كنا نتركه. ثالث، أجيب على الأسئلة الآتية. لماذا طلب موظف الاستقبال البطاقة الشخصية من خالد؟ عندك؟ طلبها من خالد طلب طلبها منه ليعرف من يمكس في الفندق وليأيضا لما يحضر وإيش؟ و وليأيضا لا وأيضا نعم وأيضا لما يحدث المشاكل أو لكسر الحساس إذا بسلم وإذا نعم وإذا كسر الأساس إذا كسر الأساس أو إذا كسر الأساس كسر جلس ثانيا لماذا فضل خالد فندق الصداقة؟ نعم ثالثا ما الفرق بين فندق الدرجة الأولى والثانية؟ الأجرة والخدمة والخدمة سيرفيس والغرف والغرف طيب رابعا ما عمل موظف الاستقبال في الفندق هو الذي يستقبل الأشخاص ويفحص عن البطاقة الشخصية نعم تمام سندخل في الوحدة السابعة الموضوع السادس في الدرس الثاني وعشرين وهو كيف أتوضأ هذا موضوع فقهي أحسن مما قد مر بنا في أول الكتاب كيف أتوضأ كيف معروف سيحكم أتوضأ سيحكم أتوضأ يتوضأ في الوضوء الكلمة الجديدة المسجد معروف صلاة معروف وضوء معروف الوضوء عند دروس الفرنسية كنت أقول الوضوء الوضوء لكن فتحة أكسي 4 دو كوت لا با بري لوت لا Non, le wado, c'est l'eau que tu utilises. Et le wado, c'est l'action. En fait, le fait de faire le wado. C'est comme le suhur ou le sahur. Le sahur, avant le fajr, c'est le repas que tu prends avant pour pouvoir jeûner. Le suhur, c'est le temps dans lequel tu prends ce repas. Tawadda'a, yatawadda'u. Ça, c'est le verbe. De faire le dos. Al-yad, la main. Al-kef, c'est la paume, et ça peut être aussi la main des fois. Parce que la main, al-yad, ça peut aller du bout du doigt jusqu'à l'avant-bras. Et le kef, c'est vraiment la main toute seule, ou ça peut être la paume de la main. Al-mad-mada, ça c'est mettre dans sa bouche et la remuer et la recracher. Adi mad-mada. Al-istinshaq,

Al-Ibn, prends-moi avec toi, ô mon père. Khouzni, c'est le amr de Akhada Yakhouzo. Donc, allez, va faire le dos, fais le dos. Asifir Am. Donc, comment je fais le dos? تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم غسل الكفين ومضمضة ثم الاستنشاق والاستنثار ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم مسح رأسي ومسح الأذنين وآخرا غسل الرجلين إلى الكعبين وسنة Donc tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ensuite le lavement des mains, des deux mains, ensuite el madmada qui est le fait de mettre l'eau dans sa bouche et la lever, thumma al-istinshaq ou al-istinthar, le fait de mettre dans son nez et de le ressortir par le nez. Thumma ghasl wajh, le lavement du visage. Thumma ghasl yadayn, le nettoyage, le lavement des deux mains. Ilal mirfaqayn, jusqu'aux deux coudes. Thumma masah ras, essuyer la tête, essuyage de la tête. Wa masah al-udhunayn, le fait d'essuyer les oreilles. Wa akhiran, et pour finir, ghusl al-rijlayn ilal ka'bayn, le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles. Et la sunna, que tu fasses tout cela trois fois. وهذا الدليل من هذه الأمور. أصح حديث في هذا الباب. C'est le hadith qui a été rapporté selon Othman. Rahimahullah, il a dit دعا عثمان بوضوء بماء ou بوضوء, je ne me rappelle plus. Que Othman a demandé de l'eau pour faire le dos. ثم غسل يديه اليمنى أو غسل كفيه. En plus, puis il avait ses deux mains. Thumma tamammada wa samshaka wa samthara. Puis il mit l'eau dans sa bouche pour la remuer. Il aspira par le nez pour la ressortir. Et à chaque fois, salasan aussi. Dans le hadith, salasan, trois fois. Et là, c'est un truc qu'il y a à savoir dans le dos. C'est quand tu fais le dos. Mais ce qui est répondu, c'est que les gens, ils font quoi? Ils font la mammada à Walen. Prendre, ils crachent. Ils prennent, ils crachent. Il prend, il crache, après il fait le nez. Là, c'est que la même main, tu mets dans la bouche et dans le nez. D'une même puisée. Et après, tu craches et tu sors l'eau. C'est ça la sunna. Quand tu vas prendre quand tu vas avoir plus de lettres dans la langue arabe, les lettres dans le hadith qui viennent, qui prouvent qu'en fait les choses sont faites en même temps. Donc en fait, c'est t'aspires d'une même puisée de mots, d'eau, et le nez en même temps. Comme ça. Et après tu craches et tu ressors avec le nez. Trois fois. C'est pas évident de faire. S'habituer. Ça la sunna, s'habituer. Je dis pas que si tu fais pas à ton endroit, il est bon, tu vois. Mais c'est le hadith, c'est ça qui l'amène. Thumma rasala wajhahu salasan. Je parle de dans un hadith Othman. Thumma rasala yadaw al-yumna. Il a le chak. Il lave sa main droite jusqu'au coude. Thumma yusla bi sadalika. Ensuite, la main gauche, de la même façon. Thumma masaha bi ra'si. Ensuite, il essuie sur sa tête. Donc, dans le hadith, il ne parle pas des oreilles. Thumma asala rijlahu al-yumna ila al-ka'b. Ensuite, il lave son pied droit jusqu'à la cheville. Thumma yusra bi sadalika, puis le gauche. Thumma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawaddu nahwa wudu'i hadha. Il dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire le dos comme je viens de le faire actuellement. Et ça, c'est le hadith le plus authentique qu'il y a dans le sujet. Et les oreilles, c'est dans un ajout qui explique que le Nazrem badabi mukaddam ra'sihi, pour essuyer la tête, du début de la tête, hatta zahaba bihima il yaqafa jusqu'à derrière, summa raddahuma min haythu badaha. Et il est remis de là où il a commencé, c'est-à-dire qu'il a fait ça, il est revenu. Et après, un hadith qui dit qu'en fait, il a mis le majeur dans le trou et le pouce, Ali Baham, Khalf. Ouais, l'index, ouais, le majeur, celui-là. L'index ici et le pouce derrière. Mm-hmm. Ah, c'est d'autres hadiths qui sont venus après. Parce que moi, des fois, en fait, ce que je fais là, quand je fais le dos, je fais ça, je me lave à ça, et des fois, je passe l'index là, comme ça. Parce que avec le pouce, des fois, je connais pas de hadith qui dit si tu passes l'index, juste au pouce. Non, donc c'est le lot. Et la sunna, c'est de le faire trois fois. Tu peux le faire deux fois, tu peux le faire une fois aussi. La tête mmh. Tout. Même la tête trois fois. Non, la tête une fois. Dans le hadith, il a pas dit faire la sunna pour la tête. Ni les oreilles. Parce que lui, dans le texte, il ne précise pas. Ouais, non, si, il le dit à la fin. Wa sunna anta fa'ala zalika thalath marrat. Ouais, mais il n'a pas précisé que. Non. Mais non. Donc là, il a pris à son fils à faire le dos. Et ah oui, un bisouel aussi. Quand on dit jusqu'au coude, il y a la main aussi, on la relâche. Ah oui. Ça y est. Awalan, Stami ou Raddid. Là, il va entrer dans Al-Musanna une fois de plus. المرفوع قلت لي مرفوع avec le alif يقول للإنسان يدان donc l'homme a deux mains للإنسان رجلان l'homme a deux jambes للإنسان أذنان l'homme a deux oreilles للإنسان عينان l'homme a deux yeux للإنسان شفتان l'homme a deux lèvres في اليدين مرفقان donc là il va dire dans les avant-bras في اليدين là c'est pas la main elle-même. Ce qu'il dit, il y a deux coudes. Le coude, il est où ? En haut de l'avant-bras. Il n'est pas dans la main. Donc là, quand ils disent Filiadein, ils visent quoi à l'avant-bras ? Firijleini, Karbani. Et dans les pieds, deux chevilles. Filiadeini, Kafani. Et dans la main, dans les deux mains, deux paumes. Là, il précise bien que le kef, là, il veut dire quoi par là ? La paume. Mais des fois, ça peut être la main toute seule aussi. Ça dépend ce qu'il y a devant. Si tu me dis une chose qui précise c'est quoi la main, on va savoir c'est quoi le kef. Si tu dis rien, on ne peut pas savoir vraiment ce que tu dis. Alors on dit, comme là c'est venu, Tarsil Yadak, il est mieux faire, tu lèves ta main jusqu'au coude, on a compris que tu veux dire quoi là par là, c'est tout d'avant moi. Le fait de préciser jusqu'au coude, c'est une précision qui amène à quoi ? À dire que tu ne vises pas que la main en elle-même. C'est pas besoin de le dire. Thaniyan, istami wa raddid. Donc là vous avez vu aussi quoi que le musanna quand il est majrour, avec un hafajar, son apparence est comme celle du mansoub. C'est avec un ya. Vous voyez que c'est avec un ya. Le alif, il n'est plus là, on met un ya à la place. Alan, yaqul, l'insanu ya'malu bil yadayn. L'homme travaille des deux mains. Donc là, yadayn, il est majrour. Et par ba, le ba qui est devant, le bi là. Et le signe de son jar, c'est le ya. Comme le mansoub, c'est le ya. Ils sont pareils en apparence. Thaniyan, al-insanu yamshi ala rijlayni. L'homme marche sur les deux pieds. La rijlayn, il est majrour à cause de ala. Ou ala matujarrihi, al-ya. Et son signe de jar, c'est le ya. Al-insanu yasma'u bil-uzunayn. L'homme entend par les deux oreilles. Rabi'an al-insan yanzuru bil-aynayn. L'homme entend par les deux yeux. Al-insanu yantiqu bil-shafatayn. L'homme parle ou prononce par les deux lèvres. Kafi surat al-balad alam najallahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne lui avons-nous pas attribué deux yeux, une langue, ainsi que deux lèvres. Donc là, c'est les mêmes. Shafatein, Aïnein. Mais l'Isen, t'en as une seule. Une langue. L'Isen, t'en as une seule. Et comme vous avez dû savoir, tout ce qui est dans l'anatomie humaine, qui est en pair, c'est en féminin. Tout ce qui est en pair sur l'homme, dans les membres ou quoi, c'est en féminin. Vous voyez ? Adi Yad. Adi Aïn, Adi Uzun, Adi Rijl, ainsi de suite. Taïb, Salisan, Ajib, Kamafil Namouzaj. Namouzaj, Ada Rapsun. Après, ils vont mettre au Mouannaf, au Moussanna, Hazani, Rasani. Donc, Hada, c'est l'ism Shara, Muzakar, Al-Mufrad. C'est quoi ce Moussanna? Hazani. Donc, tu dis Hazani, Rasani. T'as vu l'awel? Hazani, Nam. هذا فصل هذا فصل فصل فصل نعم أنا فصل فصل فصل نعم هذا طالب هذان طالبان نعم هذا كتاب هذان كتابان نعم هذا قلم هذان قلمان هذا درج هذا درج نعم فهذا المذكر الآن سنراه في المؤنث رابعا حول كما في النموذج نموذج هذه عين هاتان عينان دونك منو اسم إشارة للمؤنث المفردة سي هاتان طيب هاتان الأول هذه الساعة هاتان ساعتان نعم هذه صحيفة هاتان صحيفتان نعم هذه سيارة هاتان سيارتان هذه حافلة هاتان حافلتان هذه حقيبة هاتان حقيبة المجد يا ما في عليه هذه حقيبة هذان حقيبتان نعم هذه مساحة هذان مساحتان مساحة سي اون غوم اون ايبونج سي اون شوز بو اسويي طيب الخامس voilà le خامس on laisse que j'ai pas compris le renoncé le renoncé j'ai compris mais après quand je vois ce qu'il y a en dessous là, je vois pas ce qu'il veut c'est un peu le fardal donc inchallah de toute façon vous avez compris hein. Ça c'est une kitab awal en slan ma atajan la ta'akhar fi sadisan ou bachara املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار كلمات المناسبه مما يلي ينطق prononcer ou parler اداء c'est le fait d'accomplir une chose السنه معروف تعلم Attends, la phrase, ils ont dû faire une erreur de harakat. Toi, l'ima, j'ai compris. Non, c'est bon, c'est à cause du hand qu'il y a. C'est toi, l'ima. Non, c'est bon. Toi, je mets oula, min, ensuite, foror. أن تغسل يديك في الوضوء ثلاث مرات. Donc deux telle chose que tu laves tes deux mains lors de l'eau trois fois. غسل يغسل se laver. غسل يغسل se laver. ثانيا يجب عليك أن فرغ ابنك كيف يتوضأ. Donc il t'est obligé. Voyez deux le trou là. ton fils comment faire l'odo. Thalithan, dakhala at-tullabu al-fasla li fara al-imtihan. Donc les étudiants sont rentrés dans la classe pour le trou, l'examen. Rabian, imtihan ou c'est examen. Contrôle ou autre comme ça. Rabian, al-insanu yantiku wa al-hayawanu la fara. Donc l'être humain parle, et les animaux ne, et après le trou. Il y a aussi un autre tambi qui est écrit dans l'odo. Il a dit quoi au début le ab? Taqul bismillahir rahmanir rahim. Ça c'est pas wajib, la basmala. C'est mustahab, recommandé. Mais si tu le dis pas, c'est pas pour autant que ton odo il sera pas valable. Mais c'est pas bismillah, c'est faut dire la basmala entièrement. Non, c'est bismillah. C'est pas bismillah tout ça. C'est comme quand on mange, tu vois. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. C'est comme quand on écrit une lettre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, non? C'est pareil, en fait, c'est le fait de commencer une chose, on le fait pour Allah, c'est ça? Ouais, mais ça va pareil, il y a des hadiths là que le Nabi Salam il a commencé les lettres en écrivant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah. Mais là, il n'y a pas. C'est juste que c'est mustahab dans toute action que tu fais de faire la basmala. Quand c'est une ibadah surtout. Et la fin de dodo, qu'est-ce que tu dis? La shahada. La shahada. Parce que le hadith de Omar dit ma minkum min ahadin yatawadda'u thumma fayuthbi'u al-wudu' thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa futihat lahu abwabu jannati athmaniya yadkhulu min ayyi sha. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas parmi vous qui fasse l'wudu et qui le fasse bien sans qu'il après nous dise ashhadu an la ilaha illallah Mohamed Rasulullah, sans que les huit portes du paradis soient ouvertes, il rentre par celle qu'il veut. Et il y a une diada qui est apportée, mais apparemment elle est faible. C'est Allahumma jalli min tawabin wa min tawhirin. Oh Allah, mets-moi parmi les purifiés et parmi ceux qui se repentent. Ouais, mais cet ajout-là, il a été considéré comme faible. Mais c'est peut-être une divergence, tu vois, peut-être des savants l'ont rendu Hassan ou Adali en tout cas. Ici, il était vu comme faible. Bien sûr, quand tu es dans le hammam, avec les toilettes à côté, tu le dis pas. Quand t'es ? Dans le hammam, à côté des toilettes, tu le dis pas. Dans le hammam ? Ah ouais. Parce qu'ici, c'est pas comme en France. En France, les toilettes, c'est une pièce, ça devient c'est une pièce. Parce que souvent, dans les traductions, les gens disent quoi ? Le hammam, ils disent salle de bain. Ouais, c'est ça. Le hammam, à la base, c'est la pièce où tu réunis quand al haja, là où tu fais tes besoins, et là où tu te laves. Mais tu as des appartements, des maisons où c'est séparé. Donc appeler haram salle de bain mutlakan, de façon catégorique, c'est pas bon. Vous voyez ? À la base, le lieu, ce qu'on appelle l'endroit où tu vas faire tes besoins, s'appelle al khala. Vous voyez ? Comme dans les hadiths, c'est venu, parce qu'avant, il n'y a pas de toilette dans la maison. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient faire leur besoin dehors. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Donc quand les gens ils traduisent, il faut qu'ils précisent. Quand ils disent hammam, tu veux dire quoi? Sinon, tu vas dire les toilettes, tu vas dire quoi? La salle de bain. Et l'autre dans la salle de bain, il n'y a pas de toilette. Il dit non, je dis pas bismillah. Mais pourquoi tu dis bismillah? Il n'y a rien ici. C'est hammam, il n'y a pas de traduction. Non, j'ai lu dans le livre, là, ils ont dit toilette. Je dis ça, c'est traduit en français, il n'y a rien. En arabe, c'est pas ça que ça veut dire. Donc là où il y a, comme ici, on est les deux ensemble, t'as le hammam, dans le hammam, t'as les deux, c'est là que tu te laves, c'est là que tu fais tes besoins. Là, tu le dis pas, bien sûr. Et c'est makro. Ouais. Bon, on rentre dans la partie Kara. Non. Il y a un frère là en France, il m'a dit aussi que c'est sunna de se couvrir la tête. Non. C'est vrai ça. Ah oui. Il y a un frère, c'est tout. Le Nabi Salam, il avait tout le temps la tête couverte en général. Même les Arabes, avant l'islam, c'était leur imama, c'était parmi leur coutume. Et celui qui le fait, qui porte la ibama, par suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est rentre dans la sunna. Mais c'est pas lui qui a porté ça, c'était une tradition. Mais sinon, c'était connu, il y a même des savants qui disent que la découverte, c'était chapeau du koufar, à la base. Chez Rabia, il voit ça, lui. La tête couverte, c'est parmi les. Parmi la maison. La maison, je crois pas, non. Mais dehors, quand tu sors, tête couverte, non, c'est sunna. Moi, Kada.

qui a enseigné au fils comment faire l'eau en fait. L'eau d'eau. Salifan. Bimaza yabda'u el-wudu. Par quoi commence-t-il l'eau d'eau? Maza tafhalu bad al-stinchaq. Que fais-tu après avoir aspiré l'eau par le nez? Maza tafhalu bad mas al-ras. Que fais-tu après avoir essuyé la tête? Illa aina tawajjaha al-ibnu ma walidi. Où se dirigeait le fils avec son père? Wakada. Mafhoum hada? Wadan shalat tayammum. سؤال؟ لا. فعل هنا والحمد لله رب العالمين.